On va parler de ski de fond. On sait qu'on parle avec la Toboski de Saint-Félicien régulièrement. On parle également avec la Domiski. Mais là, on va parler du Mont Chalco à Chicoutimi. Savoir un peu comment que ça va la saison. Et on est rendu le 1er février. On va parler avec le responsable, Martin Chiasson. Bonjour, Martin. Oui, bonjour Danny. Martin, comment ça va la saison à Chicoutimi? Écoute, ça va très bien jusqu'à date. Vraiment, là, c'est assez exceptionnel cette année. On a commencé d'abord 2 semaines plus tôt que l'année d'avant. On a ouvert nos pentes le 28 décembre. Et puis, avec des conditions de neige quasiment parfaites déjà en ouverture. Et puis, depuis ce temps-là, ben, il n'a pas arrêté de neiger, puis il a fait beau tout le mois. Ça fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'achalandage. Dites-moi si on quand même vous êtes demande là-bas. Demande, là, si on parle ski de fond, ski alpin, les deux ensemble, là, environ 400 membres. 400 ans, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est bon. On parle d'environ 130 membres de ski, 125-130 membres de ski de fond et le reste pour la montagne ou ski alpin. Ici à Dolbeau, je ne sais pas s'ils ont ça. Je pense que Saint-Félicien doivent l'avoir, mais Dolbeau, ils ne l'ont pas. Qu'est-ce qui augmente ça? Le fait que vous êtes éloigné, il y a moins de monde qui vont ici au Valinois, qui vont au Mont-Édouard. Ça a-tu un lien? Ben, c'est sûr que le fait qu'on est quand même à 200-250 km de Saint-Félicien, fait que si on rajoute un autre 100 km pour aller jusqu'à Chicoutimi, c'est certain que nous, nos membres, c'est des gens de Chicoutimi, Chapin, là, il y avait des environs, Mistissini, Waswanipi. Fait que, tu sais, on n'a pas vraiment, là, de temps en temps, on a des visiteurs, là, mais c'est vraiment, nous, c'est vraiment les gens de la région, là, qui utilisent le centre-ville. Est-ce que, donc, j'imagine que ça va quand même assez bien, là. Je veux dire, au niveau des finances, 400 membres, ça doit être quand même être très, très payant ou Non, une rentable. très bonne saison, écoute, absolument. Dans les deux dernières saisons d'avant, l'an passé, on a eu un hiver doux, mais pas beaucoup de neige. On a eu quand même un bon achalandage, même si ça a commencé tard. Et les deux autres hivers d'avant, ça a été très, très froid, là. Sûrement, ça doit être la même température que dans votre coin, finalement. Ça a été moins achalandé un peu, parce que c'était très froid. Cette année, c'est exceptionnel. La base de votre clientèle, est-ce qu'elle est plus jeune, plus vieille, c'est quoi? C'est des familles. Ah, c'est des familles, OK. C'est vraiment des familles, là. Souvent, là, c'est le père, la mère et les deux enfants. Aussi, des fois, c'est juste les enfants. Les parents viennent porter les enfants au Mont-Chalco. Les enfants vont discuter toute la journée. Ils viennent les rechercher le soir. Mais généralement, je te dirais que c'est des familles, là, les parents avec les enfants. Est-ce que vous faites de la On a neige des... Non. artificielle? Est-ce que je m'imagine qu'à 400 Non. membres, non, ça doit être, est-ce que ça doit être assez rentable Non. pour 400 membres? Vous devez quand même être pas loin de la bonne rentabilité. Donc, Oui. est-ce que vous faites un canot à neige? Parce que je sais que c'est dispendieux. La Domiski regardait ça beaucoup. Oui, on a pas de canon à neige pour l'instant. C'est regardé, là. Écoute, on regarde ça, mais c'est des investissements importants. Et puis, c'est à prendre en considération étant donné que les hivers commencent de plus en plus tard. C'est sûr que dans notre coin, si on avait des canons, sans exagérer, on pourrait facilement ouvrir la station de ski début décembre. Puis ça c'est des beaux. Mais c'est vraiment des beaux venus là, en décembre. Là, parce que c'est comme le golf. Ça te tente plus de pratiquer le Ben sport en absolument. début de saison qu'en fin de saison, là. Absolument. En plus, le mois de décembre, c'est un mois qui est généralement, il est pas froid, là. C'est un mois qui est doux. Vu que vous êtes plus au nord, j'imagine que vous skiez davantage plus longtemps que nous autres. Le ski de printemps, ça doit. Ben, pour te donner une idée, là, les 2 dernières saisons, on a fermé notre centre de ski la 3e semaine d'avril. Ouais, ça paraît aussi beaucoup. Ça paraît. Bon, tu sais, on a eu, dans les dernières années, on a eu des hivers qui ont commencé tard, mais ils se sont étirés un peu, là. Fait que nous, là, la 3e fin de semaine d'avril, l'année passée, on a fini ça avec un Hill Cross, là. C'est une compétition de motoneige en montagne. On a fermé notre saison le 23 avril. La semaine précédente, on avait fait un splash qu'on appelle, ouais. C'est un bassin d'eau. On avait fait ça le 16 avril, ça a été un grand succès parce qu'il avait fait très beau. Mm. 13-14 degrés, beau soleil, puis il y a eu beaucoup de monde. Même chose pour les crosses. Fait que cette année, si on a un printemps, j'imagine, normal, on devrait encore aller alentour de la deuxième, troisième semaine d'avril facilement. Puis il y a beaucoup de neige. Beaucoup, beaucoup de neige, oui, comparativement. Je sais pas si c'est... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça dans notre... Ben, effectivement. Neige, donc, j'imagine que ça fondra pas rapidement. Là. Il faut pas que ça fonde rapidement, d'ailleurs. Ouais. Non, on sait jamais que la météo, là, mais... Ouais. Du côté de la compétition, je sais qu'il y avait une compétition en fin de semaine. Est-ce que le Montchalco à Chipogamo est représenté sur la scène régionale ici? Oui, comme d'habitude, le Montchalco est toujours là. On a un club de compétition avec environ 10-12 jeunes dedans. Cette année, le club de compétition connaît peut-être une année un peu plus difficile là, au niveau des entraîneurs, mais quand même, on a réussi à... ils ont réussi à se trouver des entraîneurs là pour s'entraîner à Chibougamau puis commencer la saison là sur le plan régional. Fait que on va être encore là cette année, puis pour les prochaines années, il y a d'autres entraîneurs qui ont parlé peut-être de vouloir s'impliquer. Mmh, effectivement, donc bravo. L'été, je sais qu'ici au Mont à Domiski puis à Toboski, on fait beaucoup de vélos de montagne. Puis je sais que vous avez un club qui s'appelle le Vélo Gamic. Est-ce que vous regardez du côté de est-ce que vous regardez ça aussi? Est-ce que vous êtes associé avec le club Vélo Gamic? Ben oui, associé dans le fond, on est partenaire plus qu'associé. Tu sais, Vélo Gamic organise un triathlon nordique ici l'hiver au mois de mars. Okay. Il y a des compétitions de vélo de montagne l'été à chaque année. Il y a des circuits, il y a des sentiers de vélo de montagne dans le parc Kobalski qui est autour du Montchalco en fait. Qui sont aménagés pour vélo gamique. Là. Oui, on est pas mal associés ou partenaires, si vous voulez. Là. OK. Ben bravo, c'est le fun de voir qu'un centre de 400 membres va très, très bien. On est vraiment content. Ah non. Puis avez-vous des projets, en terminant, des projets qui s'en viennent, c'est quoi? Ben les projets qui s'en viennent, on n'a pas de projet majeur comme tel. Nous, ce qui est important pour notre clientèle, c'est de maintenir nos installations dans un état le meilleur possible, en fait. C'est ce qu'on fait depuis 3-4 ans. On prend soin de nos installations, on améliore nos pentes. On a développé des nouveaux sous-bois du côté sud de la montagne, également du côté nord. Ça fait qu'avec une gang de bénévoles, on travaille fort là, pour que les clients, les familles soient satisfaits de ce qu'on offre. Okay. On a aussi 22 km de sentiers de ski de fond qu'on entretient. OK. Fait que tout ça mis ensemble, là, ça fait beaucoup de travail. Là. OK. Ben, Martin Giasson, un gros merci. On s'en reparle peut-être à la fin de l'année pour faire un bilan de tout ça. Il n'y a pas de problème, Dani. Du centre Montchalco de Chipogamau, Martin Giasson.